Dossier 5, livre page 52. Et quel sport je dois faire? Tu peux pratiquer des sports d'équipe ou des sports individuels. Le tennis, la natation, le basket, le volley, la danse, le vélo. Il y a aussi le foot et l'escalade.